Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire des marchés, après avoir lundi écouté le témoignage de Maurice de Sailly, descendant d'une longue famille de fromagers sur le marché des Halles de Paris, qu'il soit au centre de Paris ou à Rungis, et puis mardi aborder le marché des médicaments depuis le Moyen-Âge, et hier nous être intéressés aux mutations successives d'un grand marché parisien, le Carreau du Temple, nous allons ce matin nous pencher sur le travail théorique des historiennes et des historiens autour de la question du marché. Comment expliquer qu'un même mot, marché ou Markt en flamand, qualifie à la fois le marché physique et le marché virtuel ou le marché financier. Y a-t-il un marché parfait séparé de la société qui le porte? L'Antiquité ou l'Europe médiévale ont-elles connu d'ailleurs ce marché ou étaient-elles des sociétés primitives, entre guillemets, éloignées de la société de marché, née simplement à la fin de l'époque moderne et au tout début de l'époque contemporaine? Voilà quelques questions que nous pourrons poser à nos trois invités. Laurence Fontaine, elle est historienne, auteure entre autres de L'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle. C'était chez Gallimard il y a quelques années, et plus récemment, c'était il y a quelques mois, là, auteur du Marché, histoire et usage d'une conquête sociale, publié donc en NRF Essai chez Gallimard. Christophe Pébart est avec nous, il est maître de conférences en histoire grecque à l'université de Bordeaux-Montaigne, et il est auteur en 2008 de Monnaie et marché à Athènes, à l'époque classique, publié dans la collection Capes Agrégation de chez Belin Sup. Et Fabien Faugeron est le dernier invité de ce débat. Il est maître de conférence en histoire médiévale à Paris-Sorbonne et auteur d'une thèse publiée dans quelques semaines à la bibliothèque de l'École française de Rome, thèse sur le ravitaillement alimentaire de Venise à la fin du Moyen-Âge. Mais commençons cette émission du jeudi par un petit tour d'horizon des nouvelles d'histoire récoltées cette semaine sur le net ou dans vos journaux et revues. Saluons tout d'abord le 6e prix de la BNF, accordé cette semaine à Mona Ouzouf, un prix qui récompense chaque année pour l'ensemble de son œuvre un auteur vivant de langue française, quelle que soit sa discipline, et ayant publié dans les trois années précédentes. Mona Ouzouf, dont vous pouvez d'ailleurs, je le précise, revoir sur le site de France Culture la leçon de clôture qu'elle nous avait accordée il y a trois semaines dans le cadre du forum France Culture, l'année vue par l'histoire à la Sorbonne. Mona Ouzouf, qui est d'ailleurs la première historienne à recevoir ce prix de la Bibliothèque nationale de France après un poète, Yves Bonnefoy, l'année dernière, et des écrivains comme Kundera ou Guyotat les années précédentes. Il lui sera remis ce prix le 23 juin prochain. Et puisqu'il est question de rendre hommage à une grande figure de l'histoire, notons ici le bel hommage rendu par la médiéviste Claude Gauvard à Jacques Le Goff, récemment disparu à l'âge de 90 ans. C'est sur le site du musée de Cluny, musée du Moyen-Âge à Paris, que vous pourrez trouver ce vibrant hommage. On le pensait éternel, tant son œuvre et sa personnalité ont transformé l'histoire du Moyen-Âge en ce qu'elle est, une histoire globale, faisant son miel de toutes les sources, écrites et figurées, traitant de tous les hommes, des élites religieuses ou politiques, aux plus humbles des paysans, sensible à tous les paysages, de la forêt profonde et inquiétante aux formes policées de la ville, écrit Claude Gauvard. Son livre à Jacques Le Goff, La civilisation de l'Occident médiéval, reste un socle qui le pose en continuateur de Marc Bloch et de l'École des Annales, dont il dirigea longtemps la revue. L'histoire de la vie matérielle, entre guillemets, y côtoie celle des mentalités, entre guillemets, des sensibilités, des attitudes. Autant de thèmes promis à de fructueuses recherches encore en cours. L'espace s'y dilate au-delà du royaume pour couvrir l'ensemble de l'Europe en suivant les pas qu'avaient tracés les marchands et les banquiers hanséatiques ou italiens, et les ordres religieux de Cluny et de Cîteaux, puis les ordres mendiants. Les événements ponctuels s'effacent devant les grandes révolutions technologiques et l'évolution des mentalités au rythme lent. Mais le temps reste présent, comme en témoigne l'attention portée aux repères chronologiques. Et Claude Gauvard poursuit. Jacques Le Goff est resté toute sa vie un homme libre et sa parole était écoutée au-delà des écoles historiques parce que, avec une générosité débordante, il livrait ses idées qui jaillissaient à profusion. L'historiographie traditionnelle en sort balayée par l'apport d'une anthropologie qui donne toute sa place aux rituels et aux représentations. Cette même générosité l'incite invité à vulgariser son apport à l'histoire. Il concevait cette tâche comme un devoir. Les scientifiques doivent mettre leur savoir à portée du public sans concession, aimait-il à répéter. C'est ce qu'il a fait jusqu'à son dernier souffle. Voilà ce qu'écrivait donc sur ce site du musée de Cluny, Claude Gauvard, il y a quelques jours. Jacques Le Goff était né à Toulon, une des portes de l'Empire colonial français, le lieu le plus colonialiste de France, comme il l'avait dit dans un livre d'entretien de 1996. L'ambassade de France au Sénégal nous apprend qu'aujourd'hui, à Dakar, aura lieu un point presse ce soir à 18h pour présenter le projet de numérisation des archives de l'AOF, l'Afrique occidentale française, déposé depuis l'indépendance du Sénégal aux archives nationales du Sénégal. Des archives qui intéressent 9 pays issus de l'ancienne AOF, comme par exemple le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire ou encore le Burkina Faso. Une partie des archives de l'AOF conservées à Dakar a déjà été transférée sur microfilm, mais le reste n'a fait jusqu'ici l'objet d'aucune technique de reproduction. Et les techniques actuelles de numérisation, nous explique l'ambassade de France au Sénégal, permettent de mettre en place un projet de mémoire partagée entre tous ces pays, ces 9 pays issus de l'AOF et la France, afin que ce patrimoine soit accessible à tous, tout en évitant la dégradation des supports matériels. Archive toujours, le site de la revue française de généalogie se montre inquiet de l'état du site des archives nationales de Fontainebleau. Ce site est en effet fermé depuis le 28 mars. La cause de ce branle-bas de combat, explique la revue française de généalogie dans son site, avec 15 fissures répertoriées, il y a un risque portant sur la stabilité structurelle de l'ouvrage, affirme le rapport d'une société d'expertise. En clair, certains bâtiments de Fontainebleau menaceraient de s'effondrer. Au chevet des bâtiments 1 et 2, des sondages géotechniques ont été commandés. La bataille des experts et des bureaux d'études a déjà commencé. La montée de la nappe phréatique, la présence d'argile verte sous les bâtiments serait en cause. Le syndicat majoritaire aux archives, la CGT Archives, a une autre explication à cette instabilité. 8000 tonnes d'archives déménagées en 17 mois auraient entraîné des déséquilibres de charges et donc des mouvements. Une chose est sûre, le risque est imprévisible dans son ampleur et dans le temps peut porter atteinte à la sécurité des personnes. Et certains personnels d'ailleurs ont été placés en congé exceptionnel depuis quelques jours et chacun s'interroge maintenant sur la suite à donner à une telle menace physique sur ce lieu des archives de Fontainebleau. Un petit mot pour terminer sur un coup de sang d'un géographe spécialiste du Japon, Philippe Pelletier, dans son blog hébergé sur le site de Libération. Philippe Pelletier s'emporte contre les annonces récentes de redécoupage régional en France. Il fait l'histoire des différentes réformes régionales depuis la Révolution française et le 19e siècle. Avant de conclure, foin d'imagination, fichtre d'adapter les collectivités locales et régionales au bassin de vie et d'emploi, au diable un redécoupage des départements, bref, adieu à l'innovation, dit Philippe Pelletier dans son blog de Libération. Non, le plus simple pour la technobureaucratie soutenue par des politiques en panne d'inspiration, c'est de jouer à nouveau au mécano territorial. On ajoute des régions les unes aux autres pour faire de grandes institutions. On les fait passer de 22 à 11, autrement dit, on divise par deux comme une poire. C'est le degré zéro de la géographie. Et on pourrait d'ailleurs se demander si ça n'est pas non plus le degré zéro de l'histoire. Une petite réaction, bonjour Christophe Hébart, à certaines de ces nouvelles, est-ce que certaines de ces nouvelles vous ont intéressé justement? C'est surtout la figure de Jacques Le Goff qu'on a envie d'évoquer, bien sûr l'homme de radio, car je crois qu'on a tous écouté... Enregistré sur cassette même. Enregistré, effectivement, lorsque ça existait encore, les cassettes. Sur cassette, échangé avec les auditeurs et les auditrices, mais c'est évidemment l'homme de radio, et puis aussi je crois le grand historien, comme vous l'avez rappelé... Celui qui a su enrichir l'histoire sociale par une histoire des mentalités, une histoire de l'imaginaire. Et je crois qu'il a ouvert des perspectives et des pistes qui doivent maintenant évidemment être prolongées. Mais il reste pour moi un véritable fondateur. Fabien Faugeron, vous qui êtes médiéviste. Oui, je suis particulièrement sensible évidemment à cette nouvelle. D'autant plus que j'ai eu la chance, lorsque j'étais jeune étudiant, d'assister au dernier séminaire de Jacques Le Goff, à l'école des études d'honneur exactement, qu'il donnait à ce moment-là, et il était en pleine rédaction de son dictionnaire donc du Moyen-Âge, et il nous soumettait donc pour chacune des entrées, on faisait un tour de table, et alors effectivement, on faisait l'histoire comparative, et c'était extrêmement stimulant, un homme évidemment d'une science connue. Et d'une générosité par rapport aux étudiants. Et d'une grande générosité et d'un humour tout à fait appréciable également. Hein. C'était quelqu'un d'extrêmement agréable. Merci donc pour ce court hommage. Nous reviendrons d'ici quelques temps dans la Fabrique de l'Histoire dans un hommage plus long autour de ce personnage qui nous avait tant aidé et soutenu ici à la Fabrique de l'Histoire et que nous aimions particulièrement. Un extrait de la Fiera di Bari de Nino Rota, un titre de 1963, la foire de Bari, justement, pour nous poser la question de cette question de la relation entre le marché physique ou les foires et marchés, et puis ce marché donc tel qu'on en parle aujourd'hui et beaucoup depuis la crise de 2008. Laurence Fontaine, bonjour, vous êtes au téléphone avec nous. Oui, bonjour. Et vous évoquez dans votre livre qui vient tout juste de sortir, Le marché, histoire et usage d'une conquête sociale, dans la collection NRFSC chez Gallimard, eh bien, cette ambiguïté autour de ce terme, d'une certaine façon. Vous dites que Markt, ça signifie à la fois en flamand le marché physique, le lieu où l'on échange des nourritures, des vêtements et autre chose, des tissus, et puis aussi le marché virtuel, le marché financier. C'est la même chose pour le français en particulier. Oui, oui. En fait, tous les premières définitions du marché sont des définitions qui parlent d'abord de l'échange marchand et qui le placent sous le débat. C'est-à-dire que c'est l'achat à un prix débattu. Et c'est cette notion de débattre qui est très importante, mais de fait, toutes les fonctions du marché sont mêlées. Puis les définitions plus tard vont incorporer la place du marché, c'est-à-dire le lieu où se fait l'échange marchand. Christophe Pébard, vous êtes spécialiste de la Grèce antique. Est-ce qu'on confond marché et marché dans la langue hellénique antique ? C'est une question complexe car on arrive à saisir, disons, l'émergence de principes marchands avant que nous disposions de suffisamment de sources, en particulier de sources littéraires qui nous permettraient de répondre de façon positive ou négative à la question. Je dirais que ce qui apparaît à l'évidence, c'est que cette distinction entre le marché physique et le marché virtuel, c'est-à-dire le principe de marché et la place de marché, pour reprendre la distinction polanienne, c'est une polanienne, distinction alors, c'est de Karl Polanyi, donc on va y revenir, ouais. Je crois, donc qui distingue dans son œuvre cette double dimension, hein, le marché comme lieu physique et le marché comme principe, c'est-à-dire comme rencontre entre une offre et une demande. Eh bien, cette distinction n'est pas opératoire pour les Grecs de l'Antiquité, pour une raison toute simple, c'est que pour eux, une forme sociale qui serait simplement la rencontre entre une offre et une demande déboucherait sur une catastrophe sociale, puisqu'on aboutirait à, nécessairement, pense-t-il, à un accaparement des uns au détriment des autres. Donc, de toute façon, cette distinction n'a pas de sens. Et dès qu'on voit l'émergence du marché, c'est-à-dire de l'agora pour les Grecs, on voit en même temps l'émergence d'un règlement. Autrement dit, à l'évidence, c'est la cité qui crée l'agora et non pas l'inverse. De ce fait, pour les Grecs, l'agora, tant la place de marché que le principe marchand s'inscrit naturellement dans la cité, puisque l'agora procède de la cité. Alors, ce que vous décrivez aussi, Laurence Fontaine, dans votre travail, donc le marché, histoire et usage d'une conquête sociale, c'est que Par exemple, cette notion de foire, certes, il y a des marchés un peu partout dans le monde et on les voit de façon très régulière se développer dans toutes les cultures, mais les foires telles qu'on les a connues, les foires qui centralisent à un moment donné une puissance commerciale, comme c'est peut-être le cas au Moyen-Âge, eh bien, ça n'est pas le cas partout. On ne connaît pas cette forme-là dans toutes les cultures ni dans toutes les civilisations, Laurence Fontaine. Oui, exactement. Les foires sont en fait un produit de l'économie politique aristocratique. Elles se constituent avec les sociétés aristocratiques et d'ailleurs elles disparaissent avec elles. Et elles sont les droits de marché sont des droits régaliens, mais pour faire du commerce, il faut une relative paix, il faut pouvoir circuler tranquillement. Et dans un monde où les nobles, enfin où il y a une insécurité permanente sur toutes les routes, les foires ont été créées en quelque sorte par les nobles pour attirer les marchands et les mettre sous leur protection. Et on voit les évolutions des foires, finalement, elles disparaissent plus ou moins ou se mêlent beaucoup au marché, sont très difficiles à reconnaître l'un de l'autre, mais deviennent très actives dans les régions qui sont toujours des régions où la sécurité est beaucoup moins assurée, par exemple vers l'Europe de l'Est, au fur et à mesure qu'elles disparaissent dans l'Europe de l'Ouest. Oui, c'est-à-dire que on connaît pour le Moyen-Âge les grandes foires de Champagne qui sont étudiées depuis très longtemps, depuis au moins les années 20 ou les années 30, sinon plus avant encore, par les historiens et les historiennes. Mais ce que vous expliquez, Laurence Fontaine, c'est qu'effectivement, ces foires disparaissent, mettons, à la fin du XIIIe siècle, elles ont déjà un sérieux coup dans l'aile et qu'effectivement, elles vont se réfugier dans d'autres endroits où l'insécurité est plus grande et où le marché régulier, pourrait-on dire, ne peut pas être tellement assuré parce que cette insécurité est trop grande. Il faut donc avoir des moments particuliers dans l'année où on peut protéger les marchands qui se rendent ou qui partent de ces foires en question. Absolument. Une autre chose aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le développement du commerce maritime va se développer, on va quitter aussi le système des foires parce que les foires sont à des dates très précises et quand une grande partie des denrées arrivent par mer, elles arrivent quand elles arrivent et donc on voit se développer ces économies d'entrepôt et ces grands ports marchands. Oui, comme par exemple Venise, dont vous êtes spécialiste, Fabien Faugeron, un lieu très particulier, parce qu'effectivement c'est un des grands lieux de la marchandise en Europe, sinon peut-être le plus grand lieu dans la période de la deuxième moitié du Moyen-Âge, entre autres. Alors comment justement abordez-vous, qui êtes spécialiste en particulier de l'alimentation à Venise dans votre thèse, comment abordez-vous cette question du marché, entre marché physique et marché monétaire ou marché virtuel? Oui, alors effectivement, il est toujours utile de partir des mots en usage dans les sources médiévales, en l'occurrence pour arriver aux choses, aux réalités qu'ils désignent. Alors, en fait, le terme de mercatum, qui est bien sûr d'origine antique, s'il est rare dans les sources du Haut Moyen-Âge, il devient de plus en plus courant à partir du XIe siècle et apparaissent parallèlement dans les langues vernaculaires européennes et bien le terme de marché, markt, qu'on a évoqué tout à l'heure, market, mercato, etc. Parallèlement sont employés, mais moins fréquents, nundinae pour les foires ou fiera pour les réunions donc occasionnelles. Et je reviendrai sur la raison effectivement de la disparition progressive des foires en avançant d'autres raisons à celles Laurence Fontaine. Voilà, que vient de mentionner Laurence Fontaine. Alors, au Moyen-Âge, ce terme de mercatum, en fait, il est polysémique. Et dès qu'on le rencontre dans les sources, puisqu'il désigne à la fois le lieu physique des échanges, c'est-à-dire la place de marché, c'est-à-dire le lieu où se rencontrent l'offre et la demande, il désigne aussi le moment où ces échanges ont lieu, le jour de marché, le terme de mercatum désigne donc ce moment, il désigne aussi et très fréquemment chacune des transactions particulières qui s'y déroulent. On conclut un marché, mais également le prix auquel ces transactions se font. Alors là, il est question de bon marché ou de mauvais marché. En revanche, Hein. Il n'est pas employé, ce terme de mercatum, au sens d'ensemble des offres et des demandes d'un produit particulier. On ne parle pas du marché du grain, de manière donc générale et un peu abstraite. Comme on en parlerait aujourd'hui. Exactement, et on en parle encore moins au sens de principe de marché, c'est-à-dire de relations économiques, où ce sont les forces impersonnelles, donc de l'offre et de la demande, qui déterminent les prix et organisent donc la répartition des ressources, des revenus, etc. Alors, pour ce qui est des foires, effectivement, le développement de lignes maritimes régulières entre Venise, Gênes et le nord de l'Europe va court-circuiter ces foires donc situées à mi-chemin. Qui étaient terrestres au départ. Voilà, terrestres. Le transport terrestre est beaucoup plus coûteux, jusqu'à 40 fois plus coûteux au kilomètre que le transport maritime. Ça, c'est une raison fondamentale. Et puis, il y a aussi un développement des techniques commerciales qui permet de s'affranchir justement de ces réunions exceptionnelles. Et donc, vous pensez que justement, ces réunions exceptionnelles n'ont plus lieu d'être, pas simplement pour l'insécurité telle qu'elle était décrite et la fin d'une certain mode aristocratique, comme le disait à l'instant même Laurence Fontaine, mais aussi pour des raisons proprement matérielles et de coût, en l'occurrence, puisque le transport maritime est beaucoup plus moins coûteux, en l'occurrence. De coût, du fait aussi du développement de compagnies stables qui ont des succursales, qui ont des filiales sur toutes les grandes places européennes, avec des agents, des commis, etc. qui se charge de la réception et de la vente des marchandises. Les jeans qui interprétaient les marchés de Provence de Gilbert Bécaud. Alors, on ne sait pas, quand on ne s'approche pas de ce sujet de trop près, en l'occurrence Christophe Evart, qu'une guerre sourde se déroule depuis des années entre historiens de l'Antiquité, historiens médiévistes, historiens de l'époque moderne et historiens du contemporain, et économistes, autour de cette question du marché, c'est-à-dire une guerre qui souvent prend pour appui les travaux de Karl Polanyi et La Grande Transformation, publié juste après la Seconde Guerre mondiale, pour débattre et discuter de l'existence ou non d'un marché qui serait suspendu au-dessus des sociétés ou d'un marché qui serait encastré dans ces sociétés et qui participerait justement, où le social jouerait un très grand rôle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la bagarre est si sourde parfois, violente d'autres fois autour de cette question-là, Christophe Evart? Alors la façon peut-être la plus simple de vous répondre, c'est d'évoquer ce que Daniel Roche et Christophe Charles évoquaient au moment de la mort de Pierre Bourdieu, la méfiance quasi atavique de la théorie qui caractérise la plupart des historiens. Beaucoup d'historiens ont des difficultés avec la théorie parce qu'elle semble contradictoire avec les sources. Et donc il y a toujours ce vieux débat entre l'histoire-science du particulier et puis d'autres sciences sociales, en particulier la sociologie ou l'anthropologie, qui seraient des sciences du général, comme le disait Durkheim à la fin du XIXe siècle. Alors, pour bien comprendre ce débat, je crois qu'il faut accepter qu'il ait deux dimensions qui sont intrinsèquement liées. La première, c'est bien sûr une dimension scientifique. Et cette dimension scientifique, elle remonte à la fin du XIXe siècle, au moment où, précisément, on essaye de caractériser ce que c'est que le social. Mais c'est l'aboutissement d'un long mouvement qui commence au XVIe, XVIIe siècle, où, pour essayer de penser le monde qui entoure, disons, les gens qui réfléchissent, on met en place d'abord, c'est la première étape, la notion de société. Hein. On trouve ça dans le cours de Michel Foucault, il faut défendre la société comme quelque chose qui est extérieur à l'État. Hein. Et ensuite, on va, à l'intérieur de ce cadre-là, faire apparaître l'économie comme étant une sphère particulière dans laquelle il y aurait les activités de production et d'échange qui seraient, au fond, autonomes par rapport aux autres activités. Ce qui fait que ce débat scientifique, il s'appuie sur des choix qui sont des choix non scientifiques de manière de diviser le monde social et qui ont donné lieu à des disciplines différentes. Et le débat que les historiens ont à partir de la fin du XIXe siècle, ou disons à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, est un débat qui est très fort en Allemagne en particulier sur ce problème-là, qui est de savoir est-ce qu'il y a des lois de l'économie qui seraient anhistoriques, hors de l'histoire, et dont il s'agirait simplement de vérifier l'application dans des sociétés particulières. Et ensuite, évidemment, il y a deux tendances, celles et ceux qui refusent l'existence de lois universelles et d'autres qui en postulent l'existence. Mais, et on arrive à Karl Polanyi, il y a une deuxième dimension à ce débat qui est une dimension politique, mais qui apparaît plutôt dans les années 20 et dans les années 30, en particulier après la crise de 1929, qui est le constat, réel ou supposé, peu importe, de la faillite de l'économie de marché et du capitalisme à assurer une prospérité durable. Et Polanyi illustre très très bien cette conception. Polanyi est à l'origine un historien, donc il naît en 1886 en Autriche, fait des études d'histoire, il s'engage, c'est un socialiste, et il a une expérience fondatrice en 1933 quand il va en Grande-Bretagne où il est persuadé que la Grande-Bretagne est une société équilibrée, il découvre la pauvreté et il en conclut que le marché ne peut pas être un vecteur de progrès social. Et il va passer son œuvre, du moins la première partie de son œuvre, à essayer de le démontrer. C'est la Grande Transformation, 1944, et Les systèmes économiques, publié en 1957 en anglais, traduit en français en 1975. Mais quand on lit son dernier ouvrage, qui est un ouvrage posthume, qui a été traduit récemment en français sous le titre « La subsistance de l'homme », donc en 2011, eh bien c'est un ouvrage dans lequel on voit que en réalité, le problème que se pose Polanyi est un problème de nature scientifique. C'est-à-dire, quelle place on fait à la question des échanges dans la description d'un monde social particulier. Et l'intérêt, je crois, de Polanyi, c'est d'avoir proposé un dépassement de ce problème marché ou pas marché, et d'avoir dit que, finalement, il y a bien une question universelle que toutes les sociétés se posent, c'est comment assurer les conditions de la reproduction matérielle. Et en posant cette question, au fond, Polanyi nous dit que toutes les sociétés sont amenées à résoudre cette question. Et je crois que ça permet... Et donc ça veut dire que le marché, entre guillemets, serait encastré, serait introduit à l'intérieur de ces sociétés et qu'il ne pourrait pas en être détaché. Il n'y aurait pas une sorte de ciel des idées dans lequel le marché évoluerait. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. Ça veut dire que de toute façon, c'est de toute façon d'abord une question collective et une question générale. Comment assurer ? Car il n'y a pas d'individu qui vivrait tout seul détaché des autres. Donc à partir de ce moment-là, le lien social est premier, il est anthropologique. Nous sommes tous inscrits dans une société. Donc le débat encastré ou désencastré, de ce fait, n'a pas beaucoup de sens. Du moins, il a eu du sens dans les années 60 en particulier, avec Moses Finlay et d'autres qui l'ont utilisé pour pouvoir justement caractériser ou non le caractère marchand des sociétés antiques et sociétés grecques en particulier. Il n'aurait plus de sens, selon vous, grâce à ce dernier travail de Karl Polanyi. Alors Laurence Fontaine, comment vous positionnez-vous dans votre livre, qui est un livre théorique aussi, donc le marché, histoire et usage d'une conquête sociale par rapport à ce que vient de décrire à l'instant Christophe Pébart? En fait, je me positionnerai dans une histoire, dans une vision plus historique de ces phénomènes. C'est-à-dire qu'une chose qui est très frappante, c'est que le marché, au moins pour devenir un marché, le moteur du marché, c'est la capacité de faire de l'argent avec de l'argent. C'est donc le prêt à intérêt. Toutes les sociétés, sans exception, aristocratiques, des sociétés de caste, ont tout interdit le prêt à intérêt, précisément parce que si on laisse le prêt à intérêt se développer, on laisse la société de marché se développer et on va avoir des hiérarchies sociales qui vont mettre à bas les hiérarchies traditionnelles. Ou du moins, si elles ont interdit ce prêt à intérêt, elles l'ont autorisé pour ceux qui étaient, entre guillemets, marginaux ou extérieurs à la société elle-même. C'est souvent le cas. C'est-à-dire que ce sont les hors-saints, les étrangers qu'on autorise à faire le prêt à intérêt et non pas les gens à l'intérieur de la société dans laquelle on se trouve, que ce soit une cité italienne médiévale ou d'autres cités, ou une société plus tardive comme une société nationale, parce que, en l'occurrence, on ne veut pas qu'il y ait cette tension à l'intérieur de la société. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que cette capacité des élites marchandes qui deviendraient très riches, qui seraient capables d'acheter le pouvoir et donc de mettre à bas toutes les hiérarchies fondées sur les sociétés d'ordre. Mais progressivement, cette position devient intenable. Il y a des exceptions qui se font partout. Et pour aller très vite, quand on arrive au moment de la Révolution française, ce verrou saute. Et l'autorisation de faire du prêt à intérêt a été acceptée. Mmh. Mais derrière c'est-à-dire qu'en fait, chaque économie politique porte des échanges. Et l'économie politique aristocratique, elle porte la charité, le don, ce sont les valeurs sur lesquelles elle est fondée. Alors que l'économie de marché porte plus le travail, l'égalité, parce que pour marchander, il faut être des égaux dans la transaction. Et je veux dire ça parce qu'au moment où arrive la Révolution française, où enfin tous ces verrous sautent, depuis le XVIIIe siècle déjà, les économistes des Lumières, les philosophes des Lumières réclamaient cette capacité de prêter intérêt parce que tout le monde a besoin de crédit et que le fait de l'interdire ne faisait que développer des systèmes usuraires, criminels, absolument partout. Mais quand la Révolution française s'est enfin déclenchée et qu'elle a mis à bas la société aristocratique, elle s'est occupée du politique, mais elle ne s'est pas occupée de l'économique. Et finalement, elle a laissé l'économique se développer comme bon lui semblait. Et on a assisté à cette espèce de capitalisme sauvage, au sens où il n'était absolument pas régulé, qui s'est développé en Europe et en France à partir du XIXe siècle. Et à ce moment-là, on comprend très bien que devant la violence de ces rapports marchands, des personnes comme Marx aient décidé qu'il fallait en quelque sorte casser ce système. Et ce qu'il a fait, c'est que lui d'abord, et même Jean-Baptiste Say avait un peu commencé avant lui, à séparer l'économique du politique. Et le marxisme est intégralement fondé sur la causalité économique. Et c'est cette causalité économique qui permet finalement à beaucoup de gens de se retrouver en elle, puisque tout le monde a besoin de se nourrir, de se loger. Parce que Marx avait un double objectif. Il avait à la fois un objectif scientifique, de comprendre le monde dans lequel il vivait, mais il avait aussi un objectif politique, qui était d'essayer de libérer les classes populaires de cette pression et de cette exploitation de ce capitalisme sauvage. Et créer des grandes identités en fondant les gens sur des choses très simples, qui soient la nation, la religion ou l'économie, permet précisément de rassembler ces groupes. Et donc, au départ, c'est Marx qui a fondé ça. Et ensuite, quand Polanyi a vu, au moment de la montée des fascismes, après cette guerre effroyable, et qui voit que le marché n'a rien produit d'autre que du fascisme, alors il revient lui aussi à cette séparation en disant la démocratie qui finalement était fondatrice du marché, tous les écrivains du XVIIIe siècle montrent, et puis on le voit quand on étudie pratiquement le marché, on voit que les aristocrates n'y vont pas parce que c'est des choix. On se rend bien compte que ça produit de l'égalité de statut. Alors Polanyi s'est dit que cette société dont il rêvait, qu'il n'avait pas encore vu le jour, vraiment, enfin, il a fait en quelque sorte une espèce de, à mes yeux, de chirurgie qui est de détacher la démocratie qui était liée au marché pour la rattacher à ce qu'ils espéraient de leur vœu, c'est-à-dire une société socialiste. Et c'est en ce sens-là que c'était aussi dans ce but politique que Polanyi a continué et repris cette pensée de Marx de détacher le politique de l'économique. C'est voilà, c'est comme ça que je le lis, moi. Christophe Hébart, après ce que vient de nous affirmer Laurence Fontaine. Oui, oui, je comprends ce que dit Laurence Fontaine, mais bon, je pense que quand on relit Marx et qu'on le replace dans le contexte intellectuel, on s'aperçoit que la différence économique et politique est moins opératoire pour comprendre Marx que la différence entre économie et sociale. Et on sait très bien qu'il y a une tension forte dans le marxisme entre ce qui se passe dans la sphère de la production et la société qui en est le résultat, puisque c'est comme ça que Marx articule les choses. Mais je voulais revenir sur l'articulation entre démocratie et marché, car effectivement, la question centrale qui est posée par, disons, l'existence d'un espace, même virtuel, d'échange qui serait hors de la politique, c'est la question de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait de la valeur et qu'est-ce qui garantit la valeur? Or, on voit bien qu'il n'existe pas de marché, y compris pour les économistes, sans une garantie de la valeur. Mmh. Et cette garantie de la valeur, elle est double. C'est la question de la monnaie et la question du droit. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de marché. Parce que au préalable au marché, il y a la question de la propriété. Est-ce que j'ai le droit de venir vendre sur un marché? Est-ce que j'ai le droit d'acquérir sur un marché? Et la question de la monnaie est posée. Et quand par exemple, pour votre domaine de référence, qui est la Grèce antique et en particulier l'Athènes antique, qu'est-ce qu'on en dit alors? C'est une société de marché ou pas? Alors, je pense que si on veut rentrer dans le débat primitivisme moderniste, c'est-à-dire est-ce qu'ils nous ressemblent ou est-ce qu'ils sont véritablement autres, on peut concéder l'appellation société de marché sans aucun problème. Mais ce qui me paraît être le plus intéressant, ce sont les débats que suscitent les échanges marchands, en particulier les débats autour de est-ce que tout s'achète. Et on trouve ça, par exemple, dans l'Antigone de Sophocle, dans lequel donc Antigone achète un gardien pour pouvoir récupérer la dépouille de son frère et lui donner une sépulture conforme à la tradition. Et il y a une grande tirade de Créon dans laquelle il dit « mais il n'y a pas pire institution que la monnaie, puisque désormais elle achète tout, y compris la psyché, l'âme des êtres humains ». Donc on voit le débat qui rejoue ensuite avec Socrate hein, sur est-ce que le savoir s'achète ou non, etc. Donc à mon avis, ce qui est plus intéressant, c'est justement de faire apparaître ces débats et de montrer qu'ils n'ont eu de cesse de débattre de la question de comment on mesure la valeur et est-ce que tout se mesure par de la monnaie. Et par exemple, évidemment, la grande différence avec le monde antique, c'est l'arrivée et l'importance de l'Église. Fabien Faugeron, au Moyen-Âge, qui est votre domaine de référence, est-ce que ces débats, ces discussions, vous les avez dans la Venise de la fin du Moyen-Âge, donc cette grande capitale commerciale et marchande qui est Venise pour l'ensemble de l'Europe et pas simplement l'Europe du Sud, à ce moment-là, est-ce qu'on a ce type de débat? Alors, bon, je voudrais revenir peut-être plus largement, effectivement, sur la place du Moyen-Âge dans la grande transformation de Karl Polanyi et les usages qu'en ont fait les médiévistes. Et usages qui, en fait, proviennent essentiellement d'un essai de Georges Duby, un guerrier paysan, qui a donné lieu ensuite à toute une appropriation de la pensée polanienne, effectivement, par les médiévistes. Alors, on est, selon Polanyi, comme nos collègues de l'Antiquité, une société encastrée, enchâssée, c'est-à-dire donc où l'économique est subordonnée à l'organisation sociale. Bon. Et ce, jusqu'avant notre monde moderne, où finalement l'économie n'est qu'une fonction de l'organisation sociale. Ne serait qu'une fonction de l'organisation sociale. Bon, alors, évidemment, je pense que ces choses-là sont tout à fait à nuancer. Et pourquoi faut-il les nuancer, selon vous, alors, Fabien Faugeron? Alors, d'une part, parce que je crois qu'il est stérile d'opposer systématiquement une anthropologisation systématique des relations économiques pour les périodes anciennes à une époque contemporaine qui serait régie par le jeu désincarné de l'offre et de la demande, surtout pour ce qui est, du commerce et des marchés alimentaires. Enfin, c'est méconnaître, je crois, tout enfin, la composante des relations personnelles qui interviennent dans la formation des prix, aujourd'hui encore. Je veux dire, à Venise, où j'ai passé de nombreuses années, l'économie morale existe toujours. Vous ne payez pas la même somme pour un café selon que vous êtes vénitien, forain, et là, ça commence déjà de l'autre côté de la lagune, étranger, et sans parler aujourd'hui des Chinois qui rachètent de nombreux cafés et qui, eux, ont un prix spécifique pour leurs clients japonais, exorbitant évidemment. Donc cette économie morale, elle n'est pas le propre des périodes anciennes, et à contrario, alors je crois là aussi qu'il faut se garder de donner un poids trop important aux théories. Alors on s'intéresse beaucoup aux théories d'histoire économique, bon, travaux de Todeschini par exemple. Giacomo Todeschini. Voilà. Mais ces théories, enfin, quelle est leur prise réelle sur le fonctionnement des marchés, qui les connaît parmi les acteurs économiques? Je veux dire, on a beaucoup insisté... Giacomo Todeschini qui a travaillé en particulier sur les écrits de Bernard d'Annecy ou de grands auteurs qui seraient proches, en particulier Saint-François d'Assise, et qui donc en a élaboré une vision d'une évolution de la société médiévale sous le coup justement de ses frères franciscains. Voilà. Qui aurait donc accepté d'une certaine façon l'économie dans la société médiévale. Oui, une certaine émancipation par rapport aux interdits, effectivement, pesant sur le pré-intérêt, etc. Mais enfin, tout ça dans la pratique, déjà à travers le change, en fait, il y avait un intérêt dissimulé, il y avait beaucoup de contournements. Donc, à contrario, en fait, bon, on a insisté, par exemple, sur la deuxième scolastique, celle de l'école de Salamanque, qui se développe au XVIe siècle, donc Espagne, et qui va réserver la notion de juste prix finalement aux produits de nécessité, notamment aux produits alimentaires, et donc libérer en quelque sorte de ce carcan conceptuel, à tout le moins, les produits de luxe. Mais ceci, je le constate déjà deux siècles auparavant, dans la pratique, dans mes sources vénitiennes. Une distinction entre l'actus necessitatis, ce qui relève de la nécessité, donc où des prix fixés même par l'autorité publique sont légitimes, et l'actus mercantiae, donc tout ce qui concerne les produits de luxe, et pas seulement, pour lequel le marché est libre, et c'est dit. Laurence Fontaine, qu'est-ce que vous pensez de ces deux interventions, l'une de Christophe Pébart sur le monde antique en particulier, et puis de Fabien Faugeron sur la période médiévale, vous qui avez enjambé, pourrait-on dire, toutes les périodes historiques pour votre livre théorique « Le marché, histoire et usage d'une conquête sociale » chez Gallimard? Mais écoutez, je commencerai par le problème de la valeur, qui est effectivement un problème central. Si on regarde concrètement comment ça se passe, on se rend compte que le face-à-face marchand est plein de dangers, il est extrêmement violent parce que, surtout dans toutes ces époques-là, on est face à des incertitudes absolument totales sur tous les objets. On pourrait dire qu'on a affaire à une économie intégrale de la singularité. Pour chaque objet, c'est très difficile d'en connaître la qualité, très difficile d'en connaître la quantité. On ne sait pas quelle monnaie on va avoir. Et donc finalement, c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce marchandage. Tout se joue dans le marchandage, dans la relation de personnes. De personne à personne pour comprendre. Mais ce que ces sociétés ont inventé et qui est, là, je trouve tout à fait fondamental et très important à mettre en évidence, c'est qu'elles ont compris que pour médiatiser cette violence ou pour la dominer, la seule manière de faire, c'était de la mettre sous le regard des autres. C'est-à-dire que l'acte marchand, qui est presque plus important encore que l'échange sans intermédiaire sur le marché, c'est la vente aux enchères. Tout se vend aux enchères, tous les biens des défunts, la plupart des missions politiques dans les villages se vendent aux enchères. La vente aux enchères est une pratique absolument généralisée, même les droits de marché sont vendus aux enchères. Et cette vente aux enchères fait que la relation marchande est placée sous le regard de la communauté. La quantité de manières de faire des enchères, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais même quelquefois, on a des enchères où il s'agit de deux personnes qui décident d'acheter l'une l'autre. Donc c'est une relation de personne à personne. Mais ils font ça sous le regard des autres. Et c'est la communauté assemblée qui valide. De quelle période en particulier parlez-vous, Laurence? L'Europe moderne. Toute l'Europe moderne. Oui. Et même au Moyen-Âge, peut-être je me trompe, mais les droits de foire, de marché que les nobles donnaient, bien souvent, il est donné aux enchères en se réservant même le droit, si les enchères n'étaient pas suffisantes, de les retirer et de donner un autre principe. Alors ça, c'est la première chose que... Et puis aussi, l'organisation du marché lui-même, c'est une organisation qui est faite pour mettre les marchands sous le regard des autres, c'est-à-dire que les marchands sont tous très spécialisés. C'est pas... Et ils sont tous réunis ensemble. On a une rue dans laquelle on aura tous les marchands d'un bien particulier. Mmh. Et de ce fait-là, quand un acheteur vient, et ben très vite, il fait le tour, il voit les prix du jour, il peut voir les qualités. Il a le choix, il peut comparer. Et en même temps, les marchands sont sous le regard des autres. Ce qui veut dire qu'ils ont aussi une réputation à défendre, comme on disait, une fama. Et donc voilà, c'est ça que je trouve aussi très intéressant, c'est que bien sûr il y a des droits, quantité de droits, mais ces droits sont jamais respectés. Il y a qu'à regarder, il y a des endroits où les marchés sont pratiquement vidés parce que tout le monde vend en dehors du marché. Il y a toutes les études un peu précises qui ont été faites sur les marchés montrent que tous ces droits, c'est clair qu'il faut les mettre et les répéter, mais ils sont absolument sans cesse récurrents, redemandés. Christophe Pébart n'a pas l'air de reconnaître son Athènes du 5e siècle dans votre description, Laurence Fontaine. Christophe Pébart. Je crois qu'effectivement, la situation est bien différente. D'abord, sur la question de l'incertitude, effectivement, il y a une double incertitude potentielle sur la valeur de la monnaie qui est utilisée. Dans le cas grec, quelle quantité d'argent contient la pièce de monnaie qu'on me donne et quelle est la qualité de cet argent. Ce sont les deux grandes questions. Et la question du produit. Est-ce que le vin qu'on me vend est bien un vin de Tasos, qui est un vin plutôt cher, ou est-ce que c'est une piquette locale que l'on me fait passer pour autre chose ? Donc il faut quelqu'un qui garantisse. Bien entendu. Donc la question de la monnaie, nous avons plusieurs lois monétaires qui montrent à quel point, notamment une en particulier pour Athènes, c'est la loi de Nicophon, qui réglemente la vérification des monnaies, parce qu'on est arrivé, on est en 375-374, donc c'est un petit peu les conséquences de la fin de la guerre du Péloponnèse, où il y a eu un désordre monétaire avec des fausses monnaies, c'est-à-dire des monnaies en chocolat, si on veut, avec une petite pellicule d'argent et fourrée de bronze qui circule avec une valeur équivalente aux monnaies de plein argent. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, plus personne n'accepte les pièces de monnaie, il faut toujours vérifier. Et donc, on a un désordre considérable. Que font les Athéniens? Ils font une loi pour permettre une vérification. Et cette loi est extrêmement importante parce qu'à la fin, elle dit « toute pièce vérifiée, qui sera rendue, c'est-à-dire considérée comme valable, ne pourra pas être refusée par quelqu'un d'autre ». C'est-à-dire qu'on voit très bien comment il ne s'agit pas simplement d'une confiance qui serait comme ça extérieure, qui viendrait comme ça, on ne sait comment. Il y a une autorité Bien sûr, qui garantit la confiance, de même que les produits qui sont vendus, ils sont garantis par l'autorité qui pèse sur le marché. Autrement dit, si vous achetez une miche de pain, si j'ose dire, qui n'a pas le bon poids ou qui n'a pas la bonne farine, eh bien, vous pouvez aller voir, il y a un magistrat. Donc, ce n'est pas une autorégulation. Vous allez voir un magistrat de la cité et vous lui dites, voilà, tel marchand m'a grugé. Et vous avez immédiatement l'agoranome, puisque c'est son nom, qui vient réglementer. On a une image que tout le monde connaît dans les évangiles. Lorsque Jésus chasse les marchands du temple, il prend son fouet. C'est une scène qui a beaucoup interrogé les théologiens, puisque Jésus n'est pas censé être violent. Et il renverse les produits des marchands du temple. Or, cette scène, comme Alain Bresson l'a bien montré, elle fait référence à l'agoranome, car l'agoranome, l'un de ses emblèmes, c'est le fouet pour faire régner l'ordre sur le marché. Donc il n'y a pas de marché sans ordre, il n'y a pas de marché auto-régulé. Donc autrement dit, l'autorégulation qu'on peut constater, elle est en réalité le produit d'un ordre qui, lui, est bien réel et qui finit toujours par être visible. Fabien Faugeron, même chose pour le Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Effectivement, on est à une époque d'incertitude, mais enfin, il y a une grande quantité d'instruments. qui vise à sortir de cette incertitude. Hein. Alors, outre effectivement les choses que vient d'évoquer Christophe Weibart, se développe au Moyen-Âge eh bien, la procédure de l'expertise, hein, justement pour déterminer la qualité de certains aliments, de certains produits, leur provenance, tout ce qui va pouvoir informer leur valeur finalement. Se développe également toute une littérature de manuels de marchandises dans lesquels on va trouver des notions très précises sur la qualité des produits, le tarif des nolis pour le transport, etc. J'évoque très rapidement les mutations monétaires, effectivement, et puis le désir de stabilité de la monnaie. Bon, je terminerai en mentionnant quand même malgré tout les limites de cette institutionnalisation du marché et de la possibilité des contrôles. Il faut, et alors il n'y a pas besoin d'être de devin pour s'apercevoir que les choses ne devaient pas fonctionner exactement comme on peut le lire dans les textes normatifs. Quand on rapporte simplement les effectifs des magistratures en charge du contrôle des marchés ou des polices de métier à la population urbaine, bon, à Venise... Ça n'est pas très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, il y a moins d'inspecteurs pour pouvoir traquer les fraudes que de gens qui voudraient bien frauder, en l'occurrence. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous avons des millions de fonctionnaires, il y avait quelques milliers d'officiers pour contrôle. Le royaume de France dans tout son entier. Laurence Fontaine, pour conclure, puisque nous arrivons malheureusement au terme de cette discussion et que nous n'avons pas épuisé ni le sujet ni d'ailleurs le contenu de votre livre, qui est très riche, qui aborde tout un tas de regards, donc depuis le Moyen-Âge au moins et jusqu'à aujourd'hui, sur ce point justement, sur ces débats théorique qui semble encore très fort entre historiens et historiennes sur ce sujet Autour de Polanyi ou en général sur la question du marché, du regard qu'on peut porter sur lui d'une certaine façon. Oui, la seule chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut l'étudier concrètement. Il faut regarder vraiment comment les gens s'en... Oui, je dirais que le marché, au temps que j'en ai vu, est un enjeu. C'est un enjeu dont tout le monde a besoin et que beaucoup cherchent à s'approprier. Mmh. Et que finalement, si on l'étudie en le plaçant comme un enjeu central dans les sociétés, concrètement, en regardant comment les gens font, c'est la seule manière de dépasser ces oppositions théoriques qui sont, elles, quand même largement fondées sur des visions du monde, quelles qu'elles soient. Donc, c'est plutôt un appel à regarder que le marché est un enjeu, regarder comment les pauvres en ont été exclus, regarder comment les gens échangent, regarder comment tout le troc qui circule parallèlement à la monnaie, c'est aussi des doubles et des triples marchés. Enfin, voilà, j'invite à aller mettre les mains dans la complexité de ces relations qui sont essentielles aux sociétés. Et de toute façon, c'est toujours agréable de rendre plus complexes des idées qu'on peut avoir. Vous êtes d'accord, Christophe Weibart ? Bien entendu, mais je crois que il ne faut pas quand même négliger que le point de départ, dans ce cas-là, reste un point de départ à interroger lui-même. Car quand on dit qu'on va regarder le marché de façon concrète, c'est qu'on pense qu'il y a déjà quelque chose qui s'appelle le marché, qu'il est intéressant de regarder concrètement. Et je pense que c'est quand même tout l'enjeu du débat entre nous, de savoir dans quelle mesure cette catégorie est la plus pertinente pour interroger le fonctionnement d'une société historique. Un dernier mot, Laurence Fontaine ? Oui, en fait, marché, bien sûr, mais c'est l'échange. Ah. Il faut regarder comment les sociétés font de l'échange. Ah, oui. Et là, on a parlé du marché, donc j'ai dit marché, mais fondamentalement, c'est l'échange qu'il faut regarder. Là, très bien, mais visiblement, vous mettez tout le monde d'accord autour de la table avec cette expression. Merci à vous, Laurence Fontaine. Je rappelle que votre livre, Le marché, histoire et usage d'une conquête sociale, vient tout juste de sortir dans la collection NRF Essai chez Gallimard. Que votre livre, Christophe Weibart, Monnaie et marché à Athènes, qui fait le point justement sur ces questions pour l'époque classique, est publié dans la collection Capes Agrégation chez Belin Sup et qu'on attend vraiment avec impatience Fabien Faugeron. J'espère qu'on l'aura tout bientôt, donc publié à la bibliothèque de l'École de Rome. Votre livre sur le commerce alimentaire à Venise, donc à la fin du Moyen-Âge. C'est pour le mois prochain ? Oui. On l'espère, en tous les cas. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Marie-Vonne Abolivier, Alexandre Danguet était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Comme d'habitude, eh bien, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur notre site www.franceculture.fr. Elle est écoutable pendant 3 ans après sa diffusion, téléchargeable pendant l'année qui suit. Vous laissez également vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore en nous suivant sur le réseau Twitter. Demain, nous recevons un historien, un grand historien qui s'appelle Olivier Christin pour son dernier livre qui vient tout juste de paraître au Seuil, un livre sur le vote en cette période électorale. Il va nous donner un peu d'épaisseur historique autour de ces questions de vote.